Hey, Toto. Oui, Timmy. J'espère qu'on passera inaperçu ici. Ok, d'accord. Afin que personne ne voit. Eh, hey, mais t'as vu, c'est pas les gars d'Atria que je vois. Oui, alors qu'ils connaissent un foot. Attends, déconne pas, t'as pas attendu leur donner truc? Oui, quoi que si on fait, que si on fait. Sa mère à l'arrache. Un album qui tue, très franchement, et qui arrache. Ah ouais, je l'ai. Bah vas-y, fais-moi une copie, comme ça j'écouterai, déconne pas. Écoute, tu veux te l'écouter, va te le chercher toi-même. Non, mon vieux, déconne pas, vas-y. C'est toi le avare qui lâche pas les thunes. Bah ça va, donne-moi mon titre de leur album. Bah écoute. On se le disait, au nom d'Atria, on retenait le merde nous-mêmes. Marquer le territoire pour que les gens puissent se souvenir du premier concept. Parti de rien. Brûle dans nos plus anciennes, répète notre code jadis. 70-01, rock ça pète. Nettement plus fort que les années précédentes. Et jusqu'au bout, subite nos vies de fous. Néanmoins tu sais pour qui je représente. J'ai choisi le rap pour exprimer mes joies et larmes, mes peines et drames, je tiens à le dire, à me défendre. Même si un jour je devrais mourir, jusqu'à me sentir seul. Au point de pouvoir passer le seuil de la mort, j'épuiserai mes dernières forces qui me restent afin d'atteindre le disque d'or, la tria. Inspiré de nos rues, on a que ça. Décompresse, presse, nous voit sur instru. Toujours en place, en espérant peut-être réaliser nos souhaits les plus tenaces. On se le disait, frère, qu'un jour nous aussi on sera dans les hautes sphères. Sortir de plaques et de faire plus d'un max de concert. Tellement ivre d'espoir qu'on y est arrivé concrètement à décrocher le bonus. Ah ouais. Ah ouais, man, de ma part, c'est ce que je respecte le plus. Des gars comme nous qui demandent pas grand chose, jusqu'à s'en tirer, tirer sur un joint. D'autres qui ont des tas de trucs à raconter, putain. Je me dis que tout est écrit, ah ouais. Comme ce gosse qui n'a plus rien à perdre dans ce foutu pays. Ça me choque énormément, mais je crois avoir tout compris. L'avis nous tient que par moments, et que c'est sur nos battements de cœur qu'on s'appuie pour y vivre un certain temps dans notre existence. Tout si aujourd'hui on est connu, c'est que c'est Dieu qui l'a pris sur le mic, à n'importe quel stade, quelle que soit la manière, avec Anne. Faut que disait, mal fait, NJP parallèle misé. Faut y croire car depuis gosse on se le disait. La triade un style jamais épuisé, même si on n'a pas le gros budget opérationnel. On se lance avec tout ce qu'on a, même si du 100% tu n'aimes pas. On représente pour l'année 9-7, à nos débuts lorsqu'on croyait que la triade en flamboyait. Remets ce qu'on vit au cahier, en place une pour nos alliés. Maintenant plus temps de bailler, qu'on peut se dire ça y est. Ce support sonore entend notre potentiel. On se le disait pour une première sortie officielle. C'est pour les notes, est une chose essentielle. Défends notre emblème, thème toujours actuel. C'est aussi fort que l'on peut, entend plus fort que tu le veux. Esprit toujours ambitieux, acharné comme teigneux. Dans ta ville on fout le feu, puis qu'est-ce qu'on risque comme enjeu. T'es prouvé de ce qu'on a si précieux ensemble. C'est pour qu'on se le disait, pour toucher la fin de mon couplet. La tria en puissance, premier album réalisé dans l'immense 2003 en date de renaissance. Pour la tria, inspiré de nos rues on a que ça. Mal fait NJP pour une première sortie officielle. Pour la tria, inspiré de nos rues on a que ça. Mal fait NJP pour une première sortie officielle. Faut que ça pète. On se le disait, au nom d'Atria, on redonnait le merde nous-mêmes. Marquer le territoire pour que les gens puissent se souvenir du premier concept. Parti de rien. Brûle dans nos plus anciennes, répète notre code jadis. 70-01, faut que ça pète. Nettement plus fort que les années précédentes. Et jusqu'au bout, subit nos vies de fous. Néanmoins, tu sais pour qui je représente. Faut pas qu'on cède, même si elle nous quitte cède. Mal fait, NJP. Donc tu disais, ici c'est rien que pour les vrais. D'ailleurs, si je rappe, c'est un pour la paix et deux pour le secteur. Si qu'est-ce que tu croyais? Hein? Mais qu'est-ce que tu croyais? Mais qu'est-ce que tu croyais? À droite, sous Beretta, sache qu'on est toujours là. La trial album, on l'a fait. Je le disais, depuis tout petit, tout de même. Parmi tous ceux avec qui on a grandi, les pieds sur les murs de nos HLM. Je suis dit, on vient célébrer cette victoire. Artisan de paix, il était une voix, voici notre histoire. Les années passent au fur et à mesure. Nos expériences prennent place sur nos structures. On se le disait comme toutes ces choses qu'on s'est promises. Aujourd'hui, on se félicite et qu'on se le dise. Ainsi que la chance tourne pour tous ceux qui le méritent. Les miens entre autres et les groupes qui ont toujours voulu avancer. Contrairement à l'angle de pute qui en a l'air de parler. Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Autant leur faire savoir d'une telle motivation de notre part. Qu'on est puissant, tristeur, plusieurs de nos publics notoires. Il a fallu qu'on tienne le coup, malgré tous ceux qui nous ont toujours cherché la merde. Après tout, ils auront ce qu'ils souhaitent. Mal fait NJP, pour tous ceux qui nous soutiennent avec amour. Et plus particulièrement, ceux qui nous supportent actuellement durant tout notre parcours. On se le disait, au nom d'Atria, on reconnaît le maire nous-mêmes. Marquer le territoire pour que les gens puissent se souvenir du premier concept. Parti de rien. Pour l'une de nos plus anciennes, répète notre code jadis. 70-01, faut que ça pète. Nettement plus fort que les années précédentes. Et jusqu'au bout, c'est vite nos vies de fous. Néanmoins, tu sais pour qui je représente. Pour l'Atria, inspiré de nourrir mon accent. Faites un jeu pour une première sortie officielle. Pour une première sortie officielle. Hey, Bridé. Eh oui. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est extraordinaire. Tu trouves pas un groupe comme celui-là? Allez, viens, on se tire d'ici. Au cas où il me repère. Bye bye. Au cas où il me repère. Au cas où il me repère.